Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour ne pas faire ses devoirs, etc. Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève naïf et paresseux. C'est comme ça que ça se passe dans la classe d'Hubert Noël. Et ne croyez pas non plus qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé d'apprendre énormément de choses à ses élèves. Des choses qui ne sont pas toujours au programme, mais qui sont indispensables pour aimer la vie. Joker. En fait, ils étaient contents de revenir à l'école. L'été avait commencé à se faner et l'ennui s'était introduit dans leur longue journée chaude. Secrètement, ils attendaient cette rentrée. Alors, même s'ils grognaient et se plaignaient, après tout, ils étaient contents. Et même s'ils avaient un petit peu peur du nouveau maître, il était grand temps de démarrer cette dernière année d'école primaire. Il faut dire qu'ils ne s'attendaient pas à un tel maître. Il était là, assis comme une bûche à son bureau. Charles se demanda comment c'était possible qu'un nouveau maître, tout neuf, soit aussi vieux. Mahamar s'approcha pour vérifier qu'il ne voyait pas double, triple ou quadruple. Est-ce que toutes ces crevasses étaient vraies ? Les élèves se regardaient avec effroi. Ils étaient franchement, carrément et totalement déçus. Ils espéraient un jeune maître beau et sportif, et on leur avait donné un gros monsieur qui ressemblait à Dieu, avec des cheveux blancs qui partaient dans tous les sens, des petites lunettes posées sur le bout du nez, et un ventre qui risquait fort d'être le seul ballon qu'ils verraient de l'année. Ils furent également surpris par sa voix. Nina sursauta quand elle entendit cette tonalité basse et grave comme d'un autre monde. Déconcertée aussi par les premiers mots émis par la voix. Ni. Bonjour. Ni. Je m'appelle. Ni. Asseyez-vous. Simplement. J'ai un cadeau pour vous. Celui qui allait leur servir de maître mit un paquet cadeau sur le bureau de chaque élève. Comme s'il voulait faire oublier son physique et son âge. Il fit la distribution sans même les regarder. Constance déchira son paquet et découvrit un jeu de cartes identique à celui des autres. Un jeu de cartes, comme celui qu'on trouve dans le commerce avec les cœurs et les carreaux, les trèfles et les piques. Alors on va jouer aux cartes cette année ? Demanda Bénédicte à voix haute, pensant à son papy qui passait ses journées à jouer. Il lui avait appris à jouer à la belote. C'est elle qui s'aperçut la première que ce n'était pas un vrai jeu de cartes. Sur le dos de chacune était marqué « Joker ». Sur la face, il y avait diverses propositions. Le maître tapota sur le bureau de Charles pour lui demander de lire ce qui était écrit sur les cartes. Charles se dit qu'on retournait au temps préhistorique, où les gestes et les grognements remplaçaient la parole. Il obéit aux ordres muets du maître et passa du simple étonnement à l'état de choc. Il lut. Un joker pour rester au lit ? Un joker pour ne pas aller à l'école ? Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour perdre ses devoirs. Un joker pour ne pas faire ses devoirs. Un joker pour oublier ses fournitures. Un joker pour ne pas écouter la leçon. Un joker pour dormir en classe. Un joker pour copier sur le voisin. Un joker pour ne pas aller au tableau. Un joker pour ne pas faire une punition. Un joker pour manger en classe. Un joker pour faire du bruit. Charles n'en croyait pas ses yeux ni sa propre voix. Il se mit à tout sauter. Le maître fit signe à Bénédicte de continuer la lecture. Un joker pour chanter à tue-tête à n'importe quel moment. Un joker pour danser en classe. Un joker pour quitter la classe. Un joker pour faire le clown. Un joker pour dire un mensonge. Un joker pour faire un bisou au maître. C'est là que Bénédicte craqua. Le maître fit signe à Mahamar de lire à son tour. Un joker pour faire un câlin à qui on veut. Un joker pour prendre son temps. Un joker pour une récré interminable. Un joker pour oublier ses livres en classe. Un joker pour allonger les vacances. Le joker des jokers. À la lecture des jokers, les élèves étaient stupéfiés et surexcités. Mais l'année scolaire venait juste de commencer et il était définitivement trop tôt pour faire du bruit. Et puis la grosse voix fit tout un discours. « Je m'appelle Hubert Noël. Depuis que je suis tout petit et autrefois j'ai été petit, on m'appelle le Père Noël. C'est pour ça que je suis devenu instituteur. J'adore faire des cadeaux. J'ai l'intention de vous faire des cadeaux tous les jours. Cadeaux de tout le programme, cadeaux des livres, cadeaux des techniques, cadeaux des conjugaisons, cadeaux des mathématiques, cadeaux de la science, cadeaux de tout ce que la vie m'a donné, y compris les cataclysmes. « Qu'est-ce que ça veut dire, cataclysme, monsieur ?» demanda Constance. « Bon, dit-il en prenant le dictionnaire, voici encore un cadeau magique. Dans ce livre, il y a la clé de tous les mots. » Il passa le dictionnaire ouvert au C à Constance. Elle comprit qu'il voulait qu'elle lise. « Cataclysme, grand bouleversement, destruction causée par un tremblement de terre, un raz de marée, une tornade. » Il n'y eut que Charles qui fut assez près du maître pour l'entendre chuchoter d'une voix triste. « Ou la mort d'un être proche et aimé. » « Utilisez ce mot trois fois et je vous en fais cadeau. Il est à vous. » Charles n'était pas dupe. Il savait que ce n'était pas tous les jours qu'on pouvait utiliser le mot « cataclysme ». Vous pouvez ranger vos jeux de joker. Je vous invite à vous en servir en cas de besoin. Tout de suite, je vous offre un autre cadeau. Il distribua encore un paquet cadeau. Les élèves purent constater qu'ils avaient tous le même livre, David Copperfield de Charles Dickens. C'était un gros livre écrit serré, sans illustration, peu appétissant, même dégoûtant. Mais ce n'est pas un cadeau, monsieur. C'est écrit propriété de l'école Paul-Éluard. Même si ce livre ne vous appartient pas légalement, le livre est à vous à partir du moment où vous vous l'appropriez, c'est-à-dire du moment où vous le lisez. Je vous fais cadeau de l'histoire, des personnages, des mots, des phrases, des idées et des émotions. Une fois lu, tout sera à vous pour toute la vie. Je vais commencer à vous le lire et vous le finirez pour la fin de la semaine. Bénédicte ne put s'empêcher de crier. « C'est impossible !» Elle déclencha une révolte à peine moins forte que la Révolution française. Tout le monde cherchait, sans le trouver dans son jeu, un joker pour ne pas lire un livre. Le maître n'y fit pas attention. Il se mit à lire comme un acteur de la Comédie française. « Puisque je dois être le héros de ce livre, je dirai tout d'abord que je suis né, du moins me l'a-t-on affirmé, un certain vendredi à minuit. » C'était à Blunderstone, dans le Suffolk. Les gens de ce pays croient fermement que les enfants nés un vendredi en pleine nuit sont destinés à être malheureux dans la vie, et aussi qu'ils auront le privilège de voir des fantômes et des revenants. Ils écoutèrent attentivement. C'était toujours ça de pris sur la lecture silencieuse. À midi, les membres de la classe ne savaient pas s'ils étaient contents ou pas. Oui, sûrement, mais ce maître était trop bizarre. Il ne les accompagna pas à la cantine, comme pour épargner son énergie. « Adieu la gym !» dit Laurent avec amertume. Mais le maître vint à la cantine à la fin du repas, offrir encore un cadeau à chaque élève, et pas seulement au sien. Une brosse à dents avec un tube de dentifrice. Et il les conduisit aux toilettes pour veiller à ce qu'ils s'en servent en faisant une démonstration. « Les dents sont des bijoux, conservez-les !» Ce fut Charles le premier à utiliser un joker. En pleine leçon de maths, il osa chanter « Allô maman, bobo ». Le maître vint encaisser le joker, arrêta la leçon, distribua les paroles et annonça « On va tous chanter ». Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. On ne comprend rien, maître, dit Serge. On n'a pas besoin de tout comprendre, on a besoin de s'en inspirer. Charles passa la moitié de la nuit à lire David Copperfield. Il ne pouvait pas s'arrêter, et en plus l'auteur s'appelait Charles, comme lui. Peut-être viendrait-il en classe parler avec eux comme l'écrivain de l'année d'avant ? Le matin, il était trop fatigué pour se lever. Je ne suis pas obligée, maman. J'ai un joker. Sa mère n'était pas convaincue. Mais Charles insista tant qu'elle finit par céder. À 10h30, il eut envie d'aller en classe. Il y alla, donnant son joker pour entrer. Au moment où il le déposa dans la main du maître, il comprit avec tristesse qu'il venait de le perdre. Il chuchota à Bérangère. « Tu me donnes ton joker pour rester au lit contre tout ce que tu veux ?»« D'accord, je te le donne contre 3 autres. » Charles accepta et lui en remit 3 au hasard. À la fin d'une autre semaine bizarre, Laurent dit « Il aurait dû nous donner un joker pour faire de la gym. J'aurais aimé un joker pour amener son chien à l'école. » dit Charles. Il avait déjà dépensé presque tous ses jokers, alors que Bérangère en avait de plus en plus grâce au marché noir. Laurent, lui, avait rangé précieusement tous ses jokers dans son cartable. Il les sortit, en chercha un, et se mit à danser frénétiquement en plein milieu de la leçon d'histoire, histoire de bouger un peu. Le maître prit le joker, écarta les tables et dit « Je vais vous apprendre à danser le rock'n'roll !» Il brancha le lecteur de CD au niveau sonore le plus fort et, tout seul au centre de la salle de classe, il se mit à tourner comme un derviche. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock. Ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour la visite inattendue de la directrice. N'empêche qu'il eut l'air heureux de la voir. Elle semblait être exactement la partenaire de rock qu'il cherchait. Il prit sa main, enlaça sa taille de son bras et l'entraîna, bien contre son gré, dans la danse. Elle le repoussa avec une telle force que le gros maître bascula contre les tables, ses lunettes tombèrent par terre et le bouton de son pantalon fut projeté en l'air. La directrice est un cataclysme, cria Constance, contente de pouvoir enfin caser son mot. « Je vais vous voir immédiatement !» dit la directrice. La directrice, Madame Incarnación Pérez, n'était aimée de personne, sauf de son mari qui ne s'en était pas si mal sorti en mourant. Madame Pérez vivait toute seule dans l'appartement de fonction de l'école, sans enfants, sans animaux. Personne ne l'avait jamais vue sortir le dimanche. Ce qu'elle faisait du matin au soir entre ses 4 murs était un mystère. Peut-être passait-elle son temps à chercher de nouvelles méthodes pour semer la terreur. Elle était détestée à l'unanimité, à l'exception de ce pauvre Monsieur Noël qui était, bien que vieux, trop neuf. Il n'avait pas encore eu le temps de l'observer ni d'écouter les histoires des autres instituteurs. En un mot, Incarnación Pérez était folle. Elle avait peut-être ses raisons. Elle faisait subir aux maîtres et aux élèves de l'école Paul-Éluard une discipline militaire. Tout le monde savait qu'il y avait intérêt à obéir. Mais Hubert Noël n'avait peur de rien. Ou presque, mais pas d'Incarnación Pérez. Il avait appris après bien des déboires que la vie, en fait, ce n'est pas si grave. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu lui faire? Qu'est-ce qu'il risquait? Les seules choses qui lui faisaient peur, c'étaient les choses abstraites, comme la haine. Non, lui, il visait l'autre cime, l'amour. Et Incarnación Pérez avait beau approcher la 60aine, elle était encore mignonne. Il était content d'avoir pensé à lui apporter une bonne petite bouteille pour faire connaissance. Il frappa donc à sa porte. Elle ne l'invita pas à s'asseoir. Il était 16h45. Elle lui lut de sa voix sèche et monotone les statuts de l'école et le code civil sur les lois du travail. Il ne put pas placer un mot. Il n'écouta pas non plus. La station debout lui était pénible. Quand elle eut fini, elle se leva et ouvrit la porte pour l'expulser. Il sortit, la bouteille toujours à la main. Il ne voulait pas y retourner. Il rentra chez lui et la but en entier. Ici se termine la première partie de Joker, un livre signé Suzy Morgenstern, publié dans la collection Mouche de l'École des loisirs.